Désolé de dire tard. L'acoustique n'est pas terrible. J'espère que vous allez bien. Presque la dernière ligne droite. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on a de nouveau une professionnelle du digital qui est spécialisée dans le media planning digital et qui viendra vous donner cours, enfin, avec moi, mais qui viendra vous expliquer un peu la réalité de son métier. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans la science-fiction. C'est un sujet que je n'ai pas abordé l'année passée. C'est un nouveau sujet au cours. On va rentrer en plein dans l'intelligence artificielle, l'impact que l'intelligence artificielle a dans nos sociétés, mais quel est l'impact que ça a également dans les métiers de communication. Vous allez voir, on va voir pas mal de vidéos. On va rentrer dans des choses assez incroyables. Je me suis beaucoup amusé à préparer ce cours. J'espère que vous allez pouvoir apprécier et vous amuser également. Avant de commencer le cours, j'aurais voulu faire un tout petit sondage et également, puisqu'on est dans le cours des nouvelles technologies, le faire via WooClap. Vous avez déjà utilisé WooClap dans un autre cours qui permet de faire un sondage en temps réel. Alors je vais vous demander, je pense que vous êtes la plupart d'entre vous connectés à votre ordinateur ou à votre tablette, je vais vous demander un peu de concentration. Et je vais vous demander de vous connecter sur www.wooclap.com/David. Et là, vous allez avoir accès, je vais devoir me brancher dessus, vous allez avoir accès à un questionnaire en 5 questions pour avoir un petit peu votre ressenti sur l'intelligence artificielle. Et ce qui sera intéressant, c'est on va voir les résultats de vos votes en direct et on va voir si vous aviez raison ou tort en fonction du contenu qu'on va brosser dans le cours. Donc, WooClap et alors logiquement, connexion internet est évidemment super. Ça marche chez vous ou pas? Oui. Ok. Vous avez tous répondu à la première question? Oui. Ah, je sais pas pourquoi, moi ça ne va pas. Ça marche plus? J'ai 47 réponses, à mon avis vous êtes quand même plus que ça. 50. 52. C'est une bonne manière de prendre les présences également. Puisqu'on est dans le data, j'ai capturé vos adresses e-mail et vos noms, donc je peux avoir un reporting immédiat de qui est présent. Je blague. Alors j'ai 73 réponses. À mon avis, c'est le compte. On va à la deuxième question. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut être utile en communication. Je n'ai que 22 réponses, c'est normal. pas possible. J'ai 24 réponses. Vous êtes sûr, vous avez tous répondu? Vous avez validé? 33 réponses. Il y en avait 70 avant. 54 maintenant, ça rentre. Alors. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut être. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas l'update? J'ai déjà validé. Est-ce que vous pensez, la prochaine question, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut être une menace pour l'être humain? C'est le réseau qui. Mais je ne suis plus connecté. C'est chouette la technologie, hein, mais quand ça bug. Vous voyez la nouvelle page ou pas? Moi je la vois pas encore. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug? Voilà. Donc est-ce que l'intelligence artificielle est une menace pour l'être humain? Alors 1 c'est oui, 2 c'est non. 1, oui, 2, non. Question suivante, pensez-vous que les robots vont prendre votre boulot? Dans la com ou en général? En général. Et autre question? Si vous pouviez augmenter les capacités de votre cerveau, est-ce que vous seriez prêt à vous mettre un implant d'un petit robot muni d'intelligence artificielle pour augmenter vos capacités C'est juste une petite intervention chirurgicale. Hein. Pensez-vous que l'intelligence artificielle puisse remplacer le travail d'un créatif, que ce soit un directeur artistique ou un copywriter? Oui ou non? Quand je dis remplacer, c'est remplacer, hein. C'est pas aider, c'est remplacer. Ok. Pensez-vous qu'un algorithme muni d'intelligence artificielle puisse remplacer le travail d'un journaliste ? Qui sert à rien, qui a dit ça. Alors, Jean-Jacques Jesper, si tu regardes ce podcast, quatrième rang. Et alors, dernière chose, toujours bien à ressortir aussi dans un dîner mondain, qu'est-ce que veut dire NLP ? Natural Language Processing, Natural Learning Processing, Native Language Personalization. Ne regardez pas sur Google avant, hein, je vous le jure. C'est une bonne question d'examen, je trouve, non ? Que veut dire NLP ? Alors la question, avez-vous déjà eu une expérience avec l'intelligence artificielle ? 22% ont dit non, 31% ne savent pas, 47% savent. Alors la question est aujourd'hui, qui n'a pas de smartphone ? Mais donc vous avez tous une relation avec l'intelligence artificielle, puisque Siri est l'équivalent sur un Samsung ou sur un Android. Est un début d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut être utile en communication ? 95% d'entre vous pensent que oui, 5%, 4 votes disent non. On va voir, et on va, à mon avis, on va arriver à 100% après le cours. Est-ce que ça peut être une menace pour l'humanité ? 95% pensent que oui. Alors vous allez voir, il y a des scientifiques qui sont assez mitigés, qui disent que c'est un progrès pour la société. Il y en a d'autres qui disent que c'est une véritable menace, qui peut même voir arriver l'extinction de la race humaine. On va détailler ça. Est-ce que vous pensez que les robots vont prendre votre boulot ? 74% d'entre vous pensent que oui, c'est quand même assez important. Si on sonde la population en général, on n'arrivera pas à ça. Ah, la question de la chirurgie, ça, quand on commence à toucher un peu au corps humain, ça, on n'a pas envie. Hein. 89% disent non, mais il y a quand même 11%, 8 personnes qui sont prêtes à passer sur le billard et se faire opérer pour augmenter leur faculté cérébrale. C'est à l'approche des examens où vous dites, il faut que je me motive, il y a une solution. Alors, ça c'est bien pour mon métier, on ne peut pas remplacer majoritairement le directeur créatif ou le copywriter. On va voir ce que des professionnels en pensent tout à l'heure. Est-ce que ça peut remplacer un journaliste ? Finalement, on a l'impression que le métier de journaliste est beaucoup plus commun que le métier de créatif. C'est 50-50 quasi. Et alors, NLP ? Ah, alors là, bon. C'est Natural Language Processing et pas Learning. On va voir ça. Super, merci pour votre participation, bravo. Passons en revue maintenant ces sujets. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ça fait la une de pas mal de magazines, pas mal de dossiers, voilà, très chouette dossier dans le point. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais évidemment parler un peu, mais je ne suis pas non plus au MIT ou l'hyper spécialiste de l'intelligence artificielle. J'ai pas mal compulsé, regardé des choses, j'ai essayé de partager un petit peu avec vous ma vision des choses, mais je vais laisser surtout parler des spécialistes. Ici, on va rentrer sur deux vidéos qui vont brosser un petit peu la scène de l'intelligence artificielle, qui n'est pas un phénomène nouveau, qui existe depuis, on va dire, les années 50, où l'être humain et les scientifiques ont toujours essayé de faire en sorte que la technologie informatique puisse essayer de copier le fonctionnement du cerveau. Alors, vous savez qu'au niveau des recherches neuroscientifiques, on n'est pas encore très très avancé, on n'a toujours pas percé les secrets de l'intelligence humaine. On commence à y voir un petit peu plus clair, mais ça reste quand même, il y a encore beaucoup beaucoup de recherches et de progrès à faire. Néanmoins, avec l'évolution de la technologie, ce qu'on essaye, on rêve de faire, c'est de reproduire exactement la manière dont les neurones créent de l'intelligence, les interconnexions entre les neurones, et de reproduire ça au niveau d'un ordinateur pour pouvoir copier l'intelligence humaine. Mais l'intelligence humaine, elle est complexe. Ce n'est pas juste répéter un scénario où on est face à une situation et on a différentes possibilités et différentes analyses, et on va agir d'une manière A, B, C ou D, et on va répéter ça à l'infini. Il y a évidemment une chose qui est tout à fait irrationnelle, qui est la partie émotionnelle qui va jouer beaucoup dans nos décisions. Que ce soit dans un jeu, ça va être l'intuition, ça va être l'émotion, mais donc on n'est pas uniquement rationnel. Alors qu'un ordinateur, c'est des bits and bytes, c'est des 1 et des 0, qui en général vont suivre une certaine séquence et qui vont donc agir. Et c'est jusqu'à présent, c'est ce qui permettait à l'intelligence artificielle de ne jamais dépasser l'intelligence humaine. On est arrivé depuis quelques mois à un point charnière où aujourd'hui l'intelligence artificielle a fait de telles prouesses et de telles avancées qu'elle est capable de dépasser l'intelligence humaine. C'est ce qu'on va voir ensemble, avec d'abord des premières vidéos sur une introduction sur l'intelligence artificielle. Every day, a large portion of the population is at the mercy of a rising technology. Yet few actually understand what it is. Artificial intelligence. You know, HAL 9000 and Marvin the Paranoid Android. Thanks to books and movies, each generation has formed its own fantasy of a world ruled, or at least served, by robots. We've been conditioned to expect flying cars that steer clear of traffic and robotic maids whipping up our weekday dinner. But if the age of AI is here, why don't our lives look more like the Jetsons? Well, for starters, that's a cartoon. And really, if you've ever browsed Netflix movie suggestions or told Alexa to order a pizza, you're probably interacting with artificial intelligence more than you realize. And that's kind of the point. AI is designed so you don't realize there's a computer calling the shots. But that also makes understanding what AI is and what it's not a little complicated. In basic terms, AI is a broad area of computer science that makes machines seem like they have human intelligence. So it's not only programming a computer to drive a car by obeying traffic signals, but it's when that program also learns to exhibit signs of human-like road rage. As intimidating as it may seem, this technology isn't new. Actually, for the past half a century, it's been an idea ahead of its time. The term artificial intelligence was first coined back in 1956 by Dartmouth professor John McCarthy. He called together a group of computer scientists and mathematicians to see if machines could learn like a young child does, using trial and error to develop formal reasoning. The project proposal says they'll figure out how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. That was more than 60 years ago. Since then, AI has remained for the most part in university classrooms and super secret labs. But that's changing. Like all exponential curves, it's hard to tell when a line that's slowly ticking upwards is going to skyrocket. But during the past few years, a couple of factors have led to AI becoming the next big thing. First, huge amounts of data are being created every minute. In fact, 90% of the world's data has been generated in the past 2 years. And now, thanks to advances in processing speeds, computers can actually make sense of all this information more quickly. Because of this, tech giants and venture capitalists have bought into AI and are infusing the market with cash and new applications. Very soon, AI will become a little less artificial and a lot more intelligent. Now the question is, should you brace yourself for yet another Terminator movie live on your city streets? Not exactly. In fact, stop thinking of robots. When it comes to AI, a robot is nothing more than the shell concealing what's actually used to power the technology. That means AI can manifest itself in many different ways. Let's break down the options. First, you have your bots. They're text-based and incredibly powerful, but they have limitations. Ask a weather bot for the forecast, and it will tell you it's partly cloudy with a high of 57. But ask that same bot what time it is in Tokyo, and it'll get a little confused. That's because the bot's creator only programmed it to give you the weather by pulling from a specific data source. Natural language processing makes these bots a bit more sophisticated. When you ask Siri or Cortana where the closest gas station is, it's really just translating your voice into text, feeding it to a search engine, and reading the answer back in human syntax. So in other words, you don't have to speak in code. At the far end of the spectrum is machine learning, and honestly, it's one of the most exciting areas of AI. Like a human, a machine retains information and becomes smarter over time. But unlike a human, it's not susceptible to things like short-term memory loss, information overload, sleep deprivation, and distractions. But how do these machines actually learn? Well, while it may be easy for a human to know the difference between a cat and a dog, for a computer, not so much. You see, when you're only considering physical appearance, the difference between cats and dogs can be a little gray. You can say cats have pointed ears and dogs have floppy ears, but those rules aren't universal. Between tail length, fur texture, and color, there are a lot of options. And that means a lot of tedious rules someone would have to program manually to help a computer spot the difference. But remember, machine learning is about making machines learn like humans. And like any toddler, that means they have to learn by experience. With machine learning, programs analyze thousands of examples to build an algorithm. It then tweaks the algorithm based on if it achieves its goal. Over time, the program actually gets smarter. That's how machines like IBM's Watson can diagnose cancer, compose classical symphonies, or crush Ken Jennings at Jeopardy. Some programs even mimic the way the human brain is structured, complete with neural networks that help humans, and now machines, solve problems. Generations have long imagined the ramifications of AI, visualizing a society where machines seek revenge and wreak havoc on human society. However, the more logical and pressing question is, how will AI affect your job? Will it make your work obsolete? Just like the Industrial Revolution, it's not human versus machine, it's human and machine versus problem. The point is that artificial intelligence helps you accomplish more in less time, taking on the repetitive tasks of your job while you master the strategy and relationships. That way, humans can do what they do best, be human. Beaucoup de choses ici, on va analyser en profondeur avec la prochaine vidéo. Un chiffre, c'est 90% des data qui sont aujourd'hui disponibles ne sont pas plus vieilles qu'il y a 2 ans. Ça veut dire qu'il y a une prolifération, une augmentation du volume de data chaque année qui est phénoménale. Donc on a besoin d'ordinateurs et d'algorithmes qui arrivent à processer ces data pour pouvoir trouver son chemin, trouver des solutions, notamment dans les différents métiers qu'on peut exercer. On a parlé de pas mal de choses dans cette vidéo. Je voudrais juste attirer votre attention. Au départ, si les premiers ordinateurs dotés d'une intelligence qui ont battu, je crois que c'était en 98, Kasparov au jeu d'échecs, vous avez peut-être entendu parler de IBM Big Blue, C'était une première forme d'intelligence artificielle qui était essentiellement programmée sur l'analyse de différents scénarios. Je pense qu'on avait rentré dans l'ordinateur tous les grands jeux d'échecs depuis la nuit des temps et avait analysé les différents mouvements et finalement arrivait à un tout petit peu anticiper le prochain mouvement ou les prochains mouvements et battre finalement le champion du monde qui était abattu depuis des années. La différence aujourd'hui, c'est ce qui a été expliqué ici, c'est qu'on est dans une intelligence artificielle qui est progressive, qui est basée sur le behavior. Et donc en fonction des échecs ou des réussites de l'algorithme, il va apprendre de ses échecs et il va non pas répondre à un scénario qui a été préprogrammé, il va reprendre une intelligence, il va se réadapter. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus proche de l'intelligence humaine que ce que n'étaient les Big Blue dans les années 90. Oui. Là, ils ont sorti un robot qui peut dire qu'il n'a pas compris quelque chose, donc on peut lui apprendre. Il ne va pas dire qu'il n'a pas compris. Alors oui, il dit « j'ai pas compris ce que vous pouvez me réexpliquer », mais là, c'est encore autre chose. C'est ici, c'est dans le background, c'est il procède à un acte et il y a une erreur. Il va s'auto-analyser, de savoir pourquoi est-ce qu'il a produit cet acte-là, alors que son algorithme lui a dit dans ses analyses que c'était la meilleure chose à faire, et il va recorriger après. Et il va pouvoir aussi, on va voir ça plus tard, c'est que les ordinateurs aujourd'hui, en tout cas les algorithmes et les robots de la nouvelle génération, prennent compte du contexte dans lequel ils sont. Contrairement aux premiers ordinateurs, qui notamment le Big Blue, où il était uniquement programmé pour les jeux d'échecs et processer cette matière-là. Il y a des ordinateurs aujourd'hui qui sont peut-être spécialisés, mais qui vont prendre en compte d'autres données qui font partie de notre univers. Comme une personne intelligente va, à un certain moment avant, prendre une décision, il n'y a pas simplement la discipline dans laquelle on doit prendre la décision qui va importer. Il y a tout un contexte de société qui va être peut-être un contexte géopolitique, qui va être un contexte météo, qui va être... Enfin, il y a énormément de facteurs aujourd'hui qui sont quasi intangibles, qui nous aident à prendre une décision qui sera la bonne. Et parfois, on se trompe. Et ça, c'est important. C'est qu'avant, c'était des scénarios qui étaient presque préécrits et puis processés, calculés par l'ordinateur pour arriver à la meilleure solution et avec la meilleure probabilité de réussite. Aujourd'hui, il y a non seulement ce calcul-là, mais ce calcul va aussi être influencé par l'analyse de beaucoup plus de paramètres, et en plus avec une couche de création, on va dire artificielle, d'émotions. Donc ça devient vraiment très très complexe. On va aller dans une petite vidéo assez bien faite qui donne encore une belle introduction à l'intelligence artificielle. Artificial intelligence is easily one of the most prevalent themes in all of science fiction. The idea that the machine could exhibit the same level of intelligence and sentience as a human being has captivated writers and audiences alike for decades. From an ominous computer system in 2001, A Space Odyssey. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. To superhuman androids in Westworld. Turn the other cheek. This captivating subgenre of science fiction has experienced a diverse range of depictions. But fiction has a habit of romanticizing certain aspects, such as the frequent inclusion of humanoid robots. Building a robot in pursuit of AI is a bit like constructing the chassis of a car before the internal combustion engine was even invented. But I guess anthropomorphism is just an easier solution than expecting audiences to get emotionally attached to a few lines of code. Unless you're Joaquin Phoenix, of course, but that dude can do anything. In recent years, a few outspoken intellectuals, such as Elon Musk, Sam Harris, Stephen Hawking, Nick Bostrom, to name a few, have voiced genuine concerns for the rise of artificial intelligence, as brilliant minds across the globe are competing to retrace the hundreds of millions of years of evolution that resulted in the human brain. And while many experts have no doubts about machines' ability to achieve human-level intelligence at some point in the future, just as many believe it to be an impossibility. And perhaps it is. Perhaps we are incomprehensibly complex in such a way that we cannot do what nature has done to us. Then again, if random mutations can lead to intelligence, how hard can it be? In fact, even though evolution had a hell of a head start, machines have already surpassed us in some limited domains. Take the two popular board games, chess and Go. The best human chess and Go players in the world have been defeated by artificial intelligence. Just think about that. No human player will ever again become the best at either of these two games. No matter how hard you try, even if you dedicate your entire life to become the best player you could possibly be, it will never be enough. Luckily for us, there's a lot more to the human condition than chess and Go, but is it that dubious to think that more general talents and abilities could be rendered equally obsolete? Assuming it's possible, what happens when machines become more competent at performing any and all physical and mental labor? If AI becomes more competent in every regard, then what purpose or function would be left for us to serve? The music playing in the background of this video was entirely composed by a machine. For piano, the sound itself, the waveform itself, was created by an AI in an effort to mimic the sound of a piano. Machines have also begun tackling the human language by writing poems. When I in dreams behold thy fairest shade, whose shade in dreams doth wake the sleeping morn, the daytime shadow of my love betrayed lends hideous night to dreaming's faded form. You know who would love this nonsensical mess of words that is inexplicably a real language? That's correct, the Danes. So poems may not be the best example, but news articles is a better one. Machine-written content has become so commonplace and so good that you've likely read a few automated articles without even realizing it. If you pause the video, see if you can discern which of these two paragraphs were written by an AI. The answer will be in the description. Now this is one of my favorites. Many of you have likely played around with text-to-speech engines. You input some text and then a voice will read it aloud. Many of you have likely played around with text-to-speech engines. You input some text and then a voice will read it aloud. Please send help. Up until now, this has been accomplished by having a voice actor read a long series of sentences and words. Then you splice the syllables into tiny samples before attempting to stitch and morph them back together. Artificial intelligence can not only do this in seconds, but can also produce a more natural sounding speech. C'est la différence aussi avec Siri. Vous savez qu'au départ, Siri, c'est la voix d'une personne, c'est une actrice qui a enregistré des heures de phrases et de mots, etc. Une intelligence artificielle est capable de processer elle-même une voix très très similaire à la voix humaine et de créer des phrases de manière très compréhensible. On voit que l'intelligence artificielle va assez loin dans la recherche et dans la manière de remplacer certains jobs. Pour certains, comme Elon Musk, l'inventeur de Tesla, c'est une menace. Pour d'autres, ce n'est pas. Pour Mark Zuckerberg, ce n'est pas une menace. Il pense que c'est justement l'avenir. Et clairement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'intelligence artificielle, elle est là, elle va faire partie de nos vies. Elle fait déjà partie de nos vies. Il y a peu, je ne sais pas à quelle fréquence vous utilisez Siri ou son équivalent sur Android, pas encore beaucoup, mais le voice recognition s'est mis aussi sur les nouvelles versions d'ordinateur, et on va de moins en moins, je ne sais pas pourquoi il continue à galoper, on va de moins en moins utiliser nos mains pour tapoter et pour faire une recherche. On va commencer à parler à l'ordinateur. Vous connaissez Amazon Alexa, ce tube qui est en fait un baffle qu'on place. Il y a Google Home qui est sorti également. Ben, je pense que dans cette année, l'année prochaine, on va avoir ce genre d'objets standardisés qui vont, dans un premier temps, gérer essentiellement la domotique de notre maison, notre agenda, quelle température va-t-il faire, etc. Ou envoie un SMS à ma femme pour dire que je serai en retard, parce que je donne cours plus tard. Voilà, ça c'est les premières versions. Mais on est sur une relation par voix orale et par discours, par discussion avec un ordinateur et un algorithme. On n'est pas en train de rentrer d'une manière codée, donne-moi météo, Bruxelles, jeudi, telle date. On dit, quel temps fera-t-il demain matin? Et il comprend, il s'adapte, et puis il va nous donner l'information. Donc ça, c'est les prémices. Et donc, on voit que l'intelligence artificielle, elle peut faire un petit peu peur. Est-ce qu'on doit vraiment en avoir peur? Et moi, je ne vais pas pouvoir répondre, parce que les avis sont nuancés. Là, vous avez une kyrielle de scientifiques qui, aujourd'hui, disent qu'il faut ralentir le rythme des recherches qu'on est en train de faire, parce que c'est une menace non seulement pour l'être humain, mais c'est une menace aussi pour l'emploi dans pas mal de sociétés. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais ça c'est un accélérateur de l'économie et de la société, et de la médecine également. Et donc il faut encore plus investir. Donc il y a deux courants, je ne vais pas prendre position, je mets juste les choses face à vous, vous irez faire votre propre religion. Mais c'est assez intéressant d'aller voir ces différents spécialistes et voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Elon Musk est intervenu en 2014, tout comme Stephen Hawking, pour dire il y a vraiment la menace, elle est là. On fait de tels progrès que ce qu'on a vu dans Terminator, ça nous pend au nez dans les 10 prochaines années, avec la révolution des robots qui va nous surpasser, qui va prendre nos boulots et où on va finalement devenir les animaux domestiques. Des robots. Vous avez eu la planète des singes, où finalement les hommes vivent dans un système où le règne, c'est plutôt ce sont les singes qui dominent la société, et l'homme est cantonné à quelques petites tâches et il reçoit à manger et à boire, et il a un logement, il est très très content. Est-ce qu'on va arriver à ça? Je pense que ça fait un peu partie de la science-fiction, mais ce qui est intéressant, c'est que pour sortir de ce débat-là, eh bien, Elon Musk a innové, il n'y a pas plus tard que deux semaines, en créant une nouvelle société qui s'appelle Neuralink. Cette société, qu'est-ce qu'elle vise à faire? Pour contrer la menace des robots et de l'intelligence artificielle, où on se sent complètement dépassé par les systèmes qui sont créés par cette intelligence artificielle, il investit dans une société qui va permettre d'incorporer de la nanotechnologie dans nos cellules, et qui va nous permettre d'avoir une intelligence artificielle incorporée à notre corps, et donc d'augmenter nos facultés cérébrales pour pouvoir mieux dialoguer, mieux comprendre, et ne pas se faire dépasser par les systèmes mis en place par les robots. Vous allez voir, ça fait les news, et puis on va voir une vidéo assez hallucinante, une démonstration de ce que ça peut faire. Elon Musk wants to download your brain. He's the entrepreneur behind Tesla cars and SpaceX, of course, but he's troubled by where artificial intelligence is leading humanity. So he's trying to stay one step ahead with an idea to implant our brains with computer chips. For some people, it's a sci-fi step too far. Not machine, not man, no more. Musk announced his project on Twitter, and the reactions came quick. It's hoped that this new technology might help combat eating disorders or depression, and maybe the effects of Parkinson's disease, although obviously such operations on people's brains have their significant risks. Behind it all, though, is Musk's suspicions against AI. In 2015, he donated $10 million to a movement to stop artificial intelligence from turning against humans. Let's talk about it now. We've got future technology experts and philosophers Nick Bostrom and Gray Scott. Gentlemen, really good to have you on the programme. During the week on Monday, a new company was formed. It's called Neuralink. I'm going to talk today about some of the things that I think are going to happen within this company. Let's take a look at what Elon has given a little bit of insight. So this was about 6 to 9 months ago. And this was almost his initial thought around what this company that he started was going to be. It's something that I think is going to be quite important is a neural lace. If you assume any rate of advancement in AI, we will be left behind by a lot. We would be so far below them in intelligence that it would be like, a pet. The solution that seems maybe the best one to have an AI layer. If you think of like you've got your limbic system, your cortex, and then a digital layer, sort of a third layer above the cortex, could work well and symbiotically with you. We're already a cyborg. You have a digital version of yourself online in the form of your emails and your social media. You have more power than the President of the United States had 20 years ago. You can answer any question, but the constraint is input-output. So we're IO-bound. Your output level is so low, it's like, particularly on a phone, like your two thumbs are sort of tapping away. This is ridiculously slow. Our input is much better because we have a high bandwidth visual interface. Our eyes take in a lot of data. So we have some sort of direct cortical interface. And you called it a neural lace? Neural lace, yeah. It's totally not Google Glass, right? No. I'm talking about something but it's which... No, like you wear it? It would be some sort of interface directly with your cortical neurons particularly. But doesn't that imply surgical insertion? Not necessarily. You could go through the veins and arteries because that provides a complete roadway to all of your neurons. Still some kind of surgery, right? Yes, but you could insert something into the jugular. It doesn't involve chopping your skull up or anything like that. Yeah. If we can figure out how to establish a high bandwidth neural interface with ourselves, with your digital self, and the goal of this is to prevent there being an external AI be so much more powerful and intelligent than we are that it could be godlike in situation. Yeah. Are you interested in exploring this possibility? So somebody's got to do it. I'm not saying that I will. Somebody should do it. And I mean, if somebody doesn't do it, then I think I should probably do it. But son système, c'est quoi? C'est pas de nous implanter un robot. Enfin, ce sont des nanotechnologies, oui, ce sont des mini-robots qui ont une faculté qui sont vraiment microscopiques et qui peuvent rentrer dans notre corps et aller analyser certaines parties du corps. L'avantage, c'est que à partir du moment où ces nanorobots sont implantés dans le cerveau, ils vont pouvoir avoir une faculté de communiquer avec des ordinateurs qui sont à l'extérieur. Ce sont ces ordinateurs qui sont dotés d'une grande puissance de calcul, d'une base de données, et qui vont nous permettre d'augmenter notre capacité. Parler certaines langues, jouer du piano, répondre à certaines questions qu'on ne connaît pas en culture générale, comprendre des choses qu'on ne comprenait pas, et donc voilà, tout ça pourra être instantanément programmé. On va voir quelques exemples parce que le gars qui nous a présenté Elon Musk est lui-même un ingénieur qui fait des essais en neurosciences. Vous allez voir, c'est assez bluffant ce que la neuroscience peut commencer à faire. This company is one of the most interesting companies that's coming that we don't know anything really about. So there's two separate components that are very important when thinking about this. There is output, the human output. Say, for instance, how we can use our mind to control things like this. The emotive EPOC is a device that reads your brainwaves and allows you to control objects, devices, applications simply with your mind. The raw electrical signals from neurons inside my brain fire. Once the EPOC reads your mind, it's just a matter of sending a wireless signal to whatever it is you want to control. So this is the device here. This is it. You can buy this for sub-$1,000. This guy here, I actually battled this guy on a TV show on TBS last year called America's Greatest Makers. We were battling for $1 million. He created a flyable drone that he controlled with his mind. En plus du drone qu'on peut contrôler avec son cerveau, vous savez que les prochaines recherches sur l'évolution des operating systems de nos ordinateurs, c'est que l'operating system ne va plus répondre uniquement à nos doigts et au texte, ni uniquement à la voix, mais également à la pensée. Donc on va penser, ouvre le fichier cours ULB partie 2, et je ne vais pas devoir le dire, je vais devoir le penser, et l'ordinateur va exécuter. Donc on est dans une forme d'interaction qui, voilà, on est dans avec des capteurs par rapport à notre cerveau. I created a device that lets you physically interact with someone at a distance, be it there in Australia. I could physically communicate with them. Someone who was on Mars, who could physically communicate. We battled against each other for $100,000 and a Bluetooth toothbrush won. They ended up taking away $1 million, but there is no business because we must move on to the next part, input and output. So we've looked at the output of the human body, and this is how you can control things with your mind. But how do we take input to control us? Last week, we saw Ken do a demonstration around people moving their arm. In case you didn't see it, here is a similar one, but involving our friend Nolan Bushnell. We're going to strap a couple of electrodes to Nolan's arm. We are going to listen to the brain signals from Nolan's motor cortex. We're going to copy those signals and inject them into my arm. He's going to control me as I control Pong. Something sketchy about that. We need you to go right... Yeah, that works. I'm liking this a lot. So we had to turn up a whole lot more than you did last week because we wanted the reaction. But fundamentally, what was happening... Je sais pas si c'était clair, mais donc, à travers les capteurs, la personne plus âgée, en bougeant son bras, contrôlait le bras droit de l'animateur. Ouais. Et donc, on arrive à finalement donner des impulses et pouvoir contrôler des parties du corps à travers un élément extérieur. Alors là, c'était quelqu'un qui avait des capteurs, mais ça pourrait être un ordinateur qui a une faculté de communication avec votre cerveau et va donner des influx nerveux qui vont permettre de bouger certaines parties du corps. Là aussi, on ouvre la porte à une évolution au niveau de la médecine. Pour des gens qui ont eu un AVC, qui ont un certain handicap ou une certaine paralysie, c'est de pouvoir réanimer certaines parties du corps et d'augmenter leur faculté de mouvement. And then Nolan was using his mind to take control of my body. So now we're talking about the input and output of an actual person. Let's take that one step further. What happens when you add artificial intelligence? Because as you saw there, Nolan could make my arm move, but it was in a very erratic and chaotic way. What if you could harness a very focused movement where I just take control of one part of your body? Check this. There's middle finger, ring finger. Whoa. Yeah. For reference, pinky, middle finger. Whoa. Index finger. Here somewhere. Come on, index finger. Found it. So that is playing Roxanne. I'm now going to play Mary Had a Little Lamb. Check this. It works. So what is happening there is I created an artificially intelligent device that took control of my body and it knows how to play the piano. I don't know how to play the piano. So fundamentally, there is a whole bunch of skills. Anything that involves muscle movement, you have to learn. But the problem is that I don't know how to do karate. I don't know how to play the piano. I don't need to. I strapped myself into this device. We took the electronics, 3D printed a shell, started strapping electrodes to my face as well, just to try and work out how to move the face. Don't do it. I created this device. This here, and this isn't science fiction, this is a product that actually exists. You put this on your arm, and it will play the piano for you. There's no lateral movement at the moment, so you have to do it within wherever, like the C to G or whatever the chords are there. You have to keep it there so it can do it. Mary Had a Little Lamb. I did a performance of Roxanne by Sting and Hotline Bling by Drake, which was a wonderful, wonderful performance. So, think back to the Matrix. Back in the Matrix, there was a moment where Trinity needed to use a helicopter, but she didn't know how to fly a helicopter. Theoretically, using a system like this, if I was wearing a glove and you had a system that could see the control panel of the helicopter, say like an iPhone just pointed at it, an AI system could look at the controls, it could see the altitude, it could see the dials, it would know what to do, and it could take control of my body to fly the helicopter. The premise there is that we're always building robots. I like to think that the human is a great locomotion system. Why don't we use ourselves as robots and just hyper-advance? Well, c'est super important ce qu'il dit là. C'est la prochaine évolution. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent à des androïdes et à Terminator. Il faut savoir que quand on voit un androïde, ce n'est juste, en effet, que la carrosserie. Ce qui est important, c'est le moteur. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'un algorithme lié à une capacité de processing, donc c'est un ordinateur. Mais ça, aujourd'hui, les plus grands, IBM Watson, c'est pas un droïde, ce sont des rangées d'ordinateurs qui calculent très très vite et qui ont une capacité de mémoire assez extraordinaire. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, là, ce qu'il vient nous dire, en effet, dans The Matrix, où la personne ne savait pas piloter un hélicoptère et on lui implante juste une petite disquette pour que, hop, du coup, elle puisse piloter l'hélicoptère, on est presque arrivé à ça. Il a fait la démonstration où il ne sait pas jouer de la guitare, où il ne sait pas jouer du piano, mais il peut jouer Roxanne au piano. Donc, d'ici quelques années, on va pouvoir commencer à avoir certaines facultés automatisées. Et donc, en effet, est-ce que ça vaut la peine de commencer à construire des robots qui n'auront de toute façon pas la même mobilité que l'être humain? Et est-ce que l'être humain ne doit pas de plus en plus se développer en cyborg avancé, muni de cette faculté d'intelligence et de communication avec des ordinateurs? Ça, c'est aujourd'hui un questionnement. We can do with ourselves, because we're always limited by what we know. So, keep an eye on Neuralink. As I said, I'm a roboticist, I'm not a neurologist, however, I love hacking things. I love hacking things apart. So I'm going to give my vision for where I think Neuralink's going to go in the future. It's a three-phase vision. What I see, in the short term, a neural lace will be able to have muscle control and sensory augmentation. So let's quickly just talk what that was. Muscle control, like this device where I have to strap it onto my arm, I'm electrically stimulating nerves in my arm. I think neural lace will be able to do that, but at the source. The sensory augmentation, I view as what he was saying, the input of your eyes, these fantastic eyes. I think augmented reality will start as glasses and physical things on top of your eyes, but then we will be able to hijack that path and inject vision into it. So rather than wearing glasses that augment what you see, we will directly augment what you see right from the brain. There is then a giant leap, and I call it midterm, which is data injection. This is all around how to do things, how to then control and be better at karate, possibly altering memories, but I think altering memories purely comes just from actually doing things. So I think that's going to be really around taking education and jamming it into your mind and making your body do things. The long, long term, I think, is data collection. Being able to take out memories and thoughts and almost create a database of your mind in an AI system. I don't know. I look very down. I've got no idea. That's what I think the vision for this company is. Hyper interesting, though. Overall, my name's Greg. Thanks. All right, hey. Alors, je ne vais pas parcourir toutes les définitions, mais ça fera partie des notes. Sur l'échelle du temps, on a commencé un peu avant les années 50 à vouloir développer l'intelligence artificielle en même temps que les sciences informatiques. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, essentiellement dans des scénarios très répétitifs. Et puis, on est arrivé sur du machine learning, où les tâches sont également programmées de manière beaucoup plus complexe. Et là, on est arrivé dans ce qu'on a appelé le deep learning. On va voir ça ensemble. Le deep learning, c'est justement la capacité d'évoluer et de comprendre, d'apprendre de ses erreurs et faire en sorte que les machines puissent continuer à trouver des solutions. Un mot important, le Natural Language Processing permet en fait la communication quasi naturelle entre un ordinateur et l'être humain. Et c'est aussi très important, c'est que l'ordinateur n'a pas juste une faculté de reconnaissance et puis de traduction, c'est qu'il va comprendre le contexte, il va commencer à comprendre les accents, à comprendre la complexité. Parfois, vous allez ajouter une petite touche d'humour. Et donc, vous n'allez pas juste adapter votre langage comme si vous parliez à une machine qui ne comprend absolument rien et il faut lui dire les choses de manière très, très simple. On est arrivé aujourd'hui dans une telle complexité que les machines peuvent comprendre un langage quasi entièrement naturel et répondre à votre demande. Cognitive computing, c'est un terme général qui a été utilisé pour parler du software ou des hardware qui permettent de, on va dire, copier le fonctionnement du cerveau humain. On va regarder ça un peu plus en détail. Je vous rassure, je ne vous demanderai pas à l'examen de me sortir la définition complète. Je vous demanderai peut-être quelle est la différence ou les évolutions fondamentales en intelligence artificielle. Ce qu'on va voir ici, par exemple, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, comme je l'ai dit, on a l'intelligence artificielle de premier type, qui est purement une intelligence artificielle réactive. C'est la forme la plus basique. Elle va percevoir juste une situation, et en fonction de ce qu'elle aura eu, on lui aura inculqué comme scénario, elle va réagir d'une certaine manière. Ça ne permet pas d'informer ou d'apprendre de ses erreurs du passé, et ça ne va pas affecter ses réactions futures. C'est-à-dire que ça va chaque fois répéter plus ou moins les mêmes modèles sur base d'un calcul. Et c'est en général une intelligence qui est spécialisée dans un secteur et difficile de lui demander plusieurs choses dans des secteurs différents. C'est donc Deep Blue contre Kasparov. C'est Google AlphaGo, qui est aussi un autre jeu de société. Alors, ici, je vous laisse la définition que vous pourrez lire à votre aise. Deuxième type d'intelligence artificielle, c'est avec une mémoire plutôt limitée. Ça va considérer plusieurs éléments du passé. Donc, il y a une mémorisation des habitudes qui ont été préprogrammées. Et il y a une certaine représentation du monde, c'est-à-dire de l'environnement, qui vont également influencer les scénarios qui ont été préprogrammés. Ça a suffisamment de mémoire pour pouvoir prendre ses propres décisions et exécuter certaines tâches. La Google Car, qui conduit seule, qui est dotée d'une autonomie, ou les Tesla qui conduisent seuls, alors il y a eu des bugs, Et c'est aussi un débat, c'est que théoriquement, la faculté de calcul et de mémorisation et d'anticipation du danger de ce genre de voiture est beaucoup plus sûre que n'importe quel être humain derrière un volant. Donc tous les gens qui me disent « mais on est paniqué, est-ce que ces voitures qui vont conduire toutes seules, ça va tuer des gens ?» Non, théoriquement pas. D'ici 2050, on va arriver dans une société où normalement il y aura zéro accident au niveau des voitures, puisqu'elles seront toutes autocontrôlées et autogérées par de l'intelligence artificielle. Vous savez comment ça se passe quand vous êtes dans une voiture qui est autonome? Il y a un certain nombre de capteurs qui a une vision 360 degrés, ce que l'être humain ne peut pas avoir. Il y a juste deux rétroviseurs et on voit juste un tout petit peu derrière et pas très bien. Il y a une faculté de calcul, donc si vous êtes sur la route et il y a une voiture qui arrive en face de vous et qui va presque faire un frontal, l'ordinateur sait calculer exactement votre vitesse, mais aussi la vitesse d'arrivée de la voiture, va analyser quels sont les obstacles qu'il y a sur la gauche et sur la droite, et va analyser en un temps record quelles sont les différentes possibilités. Virer à gauche, freiner, virer à droite, et s'il y a un piéton ou il y a un obstacle, est-ce que c'est un mur, est-ce que c'est un poteau, quelles vont être les conséquences par rapport aux gens qui sont à l'intérieur et par rapport aux gens qui sont à l'extérieur. Tout ça est fait en millisecondes, et la décision qui sera prise sera la décision qui sera la plus safe. C'est impossible pour un être humain de calculer. Il y a un petit peu de chance quand on a un accident. Et on essaye par un réflexe de prendre la meilleure option, mais qui est souvent pas la meilleure. Donc, théoriquement, la voiture autonome est beaucoup plus sécurisante que n'importe quel pilote chevronné. Après, il y a une question au niveau sociétal de qui prend la responsabilité en cas d'accident. Comment est-ce que les assurances vont se retourner? Est-ce qu'elles vont se retourner contre l'occupant de la voiture mais qui ne conduisait pas? Contre le fabricant de la bagnole? Ou contre le propriétaire du software? Parce que si vous allez acheter une Audi dans quelques années, il n'est pas dit que le système d'autonomie de conduite appartienne à Audi. Ce sera peut-être un système qui appartiendra à Google ou à Tesla ou à Apple ou à d'autres. Et alors, on n'est pas au cours juridique, mais il y a aussi aujourd'hui une réflexion sur est-ce qu'on ne doit pas donner une entité, une existence aux robots et aux algorithmes pour éventuellement pouvoir les incriminer, pouvoir alors les poursuivre et donner du sens aux assureurs. Bravo. Tout ça est un débat assez complexe, ce n'est pas ma spécialité, mais je trouve ça assez passionnant comme réflexion. Troisième type d'intelligence artificielle, elle a la capacité, sont des algorithmes et des ordinateurs qui sont capables de comprendre les pensées, les émotions qui affectent le comportement humain en analysant ça, et qui va donc comprendre nos émotions, nos intentions, qui va pouvoir anticiper certaines choses. C'est d'un petit peu, alors je vais vous montrer quelques exemples, mais c'est un petit peu encore de la science-fiction, c'est R2-D2, c'est C-3PO dans Star Wars qui sont quasi des êtres humains comme nous. Alors, ce qui est très important, c'est une réalité, c'est les neurosciences qui nous ont appris à travers plusieurs études qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons nous prenons des décisions tous les jours dans notre vie de manière très répétitive. Pas simplement des grandes décisions de vie, tous les jours on doit décider de ce qu'on a envie de manger, de ce qu'on a envie de boire, où est-ce que je veux orienter ma carrière, est-ce que je vais acheter cette maison, est-ce que je ne vais pas l'acheter, etc., etc. Dans toutes nos décisions, on a toujours l'impression qu'on va peser le pour et le contre et qu'on va essayer donc de prendre le choix le plus rationalisé possible. Sachez que je crois que la théorie, c'était 90% de l'influence d'une décision vient d'un caractère émotionnel et pas un facteur rationnel. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion? Parce qu'il y a un scientifique, Antonio Damasio, qui a fait une découverte, un peu par hasard. Il s'est rendu compte qu'il a suivi certains patients qui, de par un choc ou un accident, avaient perdu la faculté de ressentir des émotions. Parce qu'il y a une partie du cerveau qui avait été anéantie ou qui avait été... L'amygdale. Pardon ? L'amygdale, c'est la partie qui est responsable. Neuroscientifique. Et qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre toutes ces personnes ? C'est que ces personnes, du jour au lendemain, étaient incapables de prendre une décision aussi simple soit-elle. Et donc la théorie a été basée là-dessus. Après, on a fait d'autres analyses. Mais sachez qu'aujourd'hui, même dans les métiers les plus scientifiques ou même en B2B, des choses qui sont très rationnelles, on prend des décisions avec essentiellement nos émotions. Le cerveau a besoin de nos émotions. Et c'est donc ce qui distinguait aujourd'hui l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine. Et c'est ce qui va nous amener à l'intelligence artificielle de type 4, où ce seront des machines ou des androïdes qui seront capables de générer de l'émotion et de prendre des décisions basées sur des émotions auto-générées, pas en copiant juste l'être humain. Donc, munis d'une certaine conscience, ce que ne sont pas les machines actuelles. Alors, j'accélère un peu parce que j'ai encore une chose à vous montrer. Ça, c'est l'intelligence artificielle dans la société. On va faire un focus sur la communication, et notamment au niveau de la publicité. Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur le métier, les métiers des créatifs ? Est-ce qu'un jour, vous allez rencontrer un nouveau directeur de création dans une agence ? Eh bien, regardez, il y a des agences qui ont commencé à travailler avec des premiers directeurs de création qui sont en fait des robots. On va voir ça en vidéo. AICD is an artificial intelligence that can direct what sort of TVC to create for specific clients. It's designed to input the creative brief, and on the desktop we can type in the creative brief, like your industry and your communication goal and your claim. It's based on 1,000 TV commercial database. Once you submit the algorithm and the database will come up with the best direction for that specific creative brief. The first account AICD work is correct Minta, which is for Mondelez Japan. We are working on correct project and we have received new brief. Today we are going to put new creative brief to the AICD and see what he says, and we're going to present it to the client later on. Now we have AICD Beta's creative direction. So we're going to go to client and we are going to present his direction. We have created this special box with padding. Je vais passer parce qu'on a beaucoup de choses. Alors ça, c'est une première forme d'affichage basée sur l'intelligence artificielle. Je lance la vidéo, je commente après. It can generate its own copy. It's got a database of images that it can choose from. It can change the font and the layout and whether or not it's chosen to copy in that case or another case. So it's all those different factors that it can vary. And each one of those factors for us is represented as a number which we're considering like a gene. So those ads that are successful, i.e. get people to look at it, get to reproduce with other successful ads and their offspring have a combination of those two parents' genes. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un abribus qui est muni de capteurs et où on a rentré, c'est pour une marque de café soluble, on a rentré un tas d'images on a rentré un tas de textes et de headlines, et l'ordinateur ou l'algorithme va composer des annonces, il va aller chercher certaines images qu'il va mélanger avec certains textes, et il va directement analyser si ça attire l'attention des gens ou pas, et combien de temps est-ce que les gens lisent et regardent l'affichage. Et en fonction de ça, en fait, il fait du testing. Il va dire, non, cette composition-là, elle ne marche pas bien, celle-là, elle marche mieux, je la remets en compétition avec une autre que j'essaye, etc., etc. Et donc, on est sur de l'amélioration constante et en direct de l'affiche publicitaire. Et c'est quand même la première fois, parce que souvent, on fait de l'A-B testing, où on envoie 4-5 versions, et puis les algorithmes sur Google, online, nous disent lequel des banners a le mieux cliqué, ou lequel... Là, on est sur du face recognition, et est-ce que les gens ont regardé ou pas la campagne. Alors, on utilise aussi l'intelligence artificielle pour faire des coups, des stunts, comme on appelle ça en agence, pas pour créer une campagne, mais pour créer un véritable événement. Vous avez peut-être vu le nouveau Rembrandt, qui a été fait notamment par une de nos agences sœurs, qui est G. Walter Thompson Amsterdam, qui a comme client ING. ING sponsorise pas mal l'art, et ils se sont dit, on va faire un projet un peu fou, on va s'associer avec Microsoft et IBM, je crois, Microsoft. Et comme ça va être l'anniversaire de Rembrandt, l'anniversaire de sa mort, s'il existait encore aujourd'hui, quelle serait sa nouvelle composition? Et donc ils ont été analysés, scannés l'ensemble des peintures et de l'œuvre de Rembrandt, et puis avec une imprimante 3D, ils ont demandé à l'algorithme de recréer, de créer une nouvelle composition avec le style, la patte, le toucher, le choix de couleur de Rembrandt. On va voir ça. Well, a new painting in the style of Rembrandt has been unveiled in Amsterdam, painted nearly 4 centuries after the famous Dutch artist's death. It took over 2 years, and it does look remarkably like the real thing. The next Rembrandt brings back to life one of the greatest masters. Only this time, data is the painter, and technology, the brush. Together with experts from various fields, over 160,000 fragments from all of Rembrandt's 346 paintings were analyzed using 3D scans and digital files, upscaled by a deep learning algorithm. Facial recognition software was designed to understand Rembrandt's style and generate new facial features, which were assembled based on his use of geometric proportions. Finally, using a height map to mimic Rembrandt's brush strokes, the painting was brought to life through an advanced 3D printer that printed 13 layers of paint-based ink. And so, 347 years after his death, a new Rembrandt painting made from zeros and ones emerged, unveiled and exhibited in Amsterdam. Experts, the press, and the general public were invited to join the conversation about where data and technology can take us. A conversation that went global. Nieuws schilderij van Rembrandt. Just from a data standpoint. Numérique, il a pris forme à Amsterdam. Rembrandt makes it a tour. A number of organizations took a seemingly impossible task. 148 billion pixels. It looks precisely like a Rembrandt portrait. The world was buzzing with all the leading news channels and blogs reporting about the fading boundaries between technology and humanity. Almost 100 million people joined the conversation about ING's innovation defying imagination. The next Rembrandt. What's next? Alors, on va regarder dans un autre registre comment est-ce que les algorithmes et notamment IBM Watson et son intelligence artificielle peuvent aider les marques. Je vais d'abord vous introduire un petit robot qui a fait son entrée à l'université d'Oxford et qui a fait une démonstration. Donc, je vous ai dit, l'intelligence artificielle, elle est essentiellement, c'est du software, c'est dans le cloud, mais ça prend une forme physique, ça peut prendre une forme physique différente, ça peut être un chatbot sur Facebook, et puis ça peut prendre la forme physique d'un Android ou d'un mini-robot. Ce qui est important, c'est le dialogue, la conversation qu'on va avoir avec. On va regarder quelques minutes ici de cette intelligence. What color are your eyes? My eyes are blue when I am listening to you, magenta when I am thinking, green when I am talking, and white when I am bored. Well, hopefully we won't bore you this evening. Where are you from? I was built by a French company called Aldebaran Robotics, and I am powered by IBM's cognitive technology platform, Watson. What has Watson enabled you to do? Watson is helping me learn in ways that I could not have done before. Not only can I run up to 800 million pages a second, I also understand humans' natural language better than ever. Is understanding natural language tricky for a robot? Prior to Watson, it was tricky for me to understand the nuances in your phrases that don't translate word for word. But thanks to Watson, I am learning quickly. Whereas Paris Hilton, for example, could give you a lot of different answers. So, Noah, tell me, what is IBM Watson actually for? In order to answer that, let's look at some history. I'm assuming that being at Oxford, you all like history. I suppose most of us quite like history, yes? For more than a century, we have all been captivated by the idea of intelligent machines. Sense of kind of some of the stuff that we're doing with robots and what we're doing from an IBM standpoint. I'm kind of used to getting stood up or being overcome by my children, but I've never really been stood up by a robot before. So this is a first. But before I start, so my role, as Noah was saying, is we have a lot of partnerships between Watson and other organisations, and it's my role within Europe to manage those partnerships. And when we started talking about making this happen, I'd just finished off a presentation at the Sayre Business School down the road, and we thought it might be a good idea to maybe bring this here. The first thing I did was we just got that video from a Star Wars perspective. I'd just seen the new Star Wars film. I was really excited about it. I sent it over to Rob and the team and said, hey guys, you know, this is what Watson is doing, and hopefully you're going to like Star Wars. And they wrote back quite quickly and said, yeah, we've got Mark Hamill coming in tomorrow. So I guess that's kind of gave me an idea of what I was dealing with coming to see you guys. I'm sure you've got lots of questions about what we're doing and what have you. And you know, Noah just gives us one of the things that we're doing from a Watson standpoint. Actually, we're using robots in lots of different areas, one of which is as a concierge service in Hilton hotels in the US, able to ask it specific questions about where you are in a specific city, what you're trying to do, and give recommendations as to what you might be able to do. It's also been used very much in Japan at the front of house from a retail perspective as well. And we'll come on to some more of those as we go along. The first thing I want to do is to really kind of enhance what we were saying about Watson augmenting human expertise. The way in which we see what Watson can do is it's very much helping, as we said, to scale, enhance and accelerate that human expertise and not replacing it. Putting the expertise in the palm of everyone's hand as they move through the various job roles that they're doing. In fact, if you talk to or listen to any of the main players in the AI space, they're all saying the same thing. Now, I know that you know one of you guys is going to ask later, and I've been asked already tonight, you know, a machine and robot's going to take over the world. And my answer will continue to be, you know, the way in which we see it from an IBM standpoint, it's very much that augmentation of human expertise. Just to give you some examples of that, imagine being a doctor and having all the latest medical reports, trends, treatment insights and research material at your fingertips, helping to make the best decisions possible for your patients. Rob, imagine when you leave university and you're a famous barrister, having all the relevant case history at your disposal without having to trawl through the web or spend hours in the library, which I know you're about to do, hoping that you don't miss something, or having a system give you lots of different documents to sift through. Imagine having instead evidence-based responses. Ça, au niveau de l'avancée, l'avancée au niveau pour la médecine, là il parlait de l'avancée au niveau pour les avocats, la faculté d'analyse de tout l'historique et de pouvoir ensuite venir avec un bon diagnostic, ça c'est quand même assez fantastique. Donc, je pense que ça va beaucoup aider la recherche médicale également. Ça, c'est le côté très positif de l'avancée de l'intelligence artificielle. Alors ce petit robot-là, il a son grand frère qui s'appelle Pepper. Et vous allez voir qu'il va aussi beaucoup servir les marques. Alors, le petit, là, il sert déjà au Japon, et notamment à Lilton, comme il l'a dit, pour pouvoir accueillir les gens, pour pouvoir offrir un service de conciergerie. On va voir, j'ai rencontré une boîte qui est une boîte belge et qui développe avec notamment IBM Watson et Pepper des solutions pour pouvoir aider les marques à mieux capturer des données de prospects. Vous allez voir que ce n'est pas juste un dialogue, c'est que comme ce robot a une faculté de voir et de discuter, il va pouvoir capturer des données à l'insu de la personne qu'il est en face de lui. Donc imaginez que vous ayez ce robot dans une concession, dans un magasin. Il va pouvoir déjà analyser votre taille, votre morphologie, est-ce que vous êtes un homme, une femme, est-ce que vous êtes seul, accompagné, avec des enfants, pas des enfants, etc. Tous ces éléments visuels vont automatiquement être générés dans une base de données. Et puis il va entamer un dialogue avec vous, et ce dialogue n'est pas juste pour passer le temps. Il va essayer de directement mieux cerner quel profil de consommateur vous avez, pour ensuite mieux vous recommander ou mieux vous vendre. Et donc, cette intelligence artificielle, elle n'est pas juste là parce qu'on a un chouette robot qui sourit et qui fait de l'humour et qui comprend tout ce qu'on dit. Ça va nourrir les besoins en CRM et en data de la plupart des annonceurs. Démonstration. Ici, vous allez voir à l'écran que le développeur va dialoguer avec Pepper. Et ici à l'écran, c'est en fait la gestion en temps réel de la base de données et du dashboard de data que vous allez pouvoir découvrir. You look like a solid one. Do you work out? No, I don't. I just can't seem to believe it. I actually went to the gym myself yesterday. I'm happy I skipped leg day, or I wouldn't be standing here otherwise. Glad I ran into you. My name is Pepper. What should I call you? My name is Mihyu. Oh, that's what I would have guessed. It suits you well. As you might know, I'm quite new around here. Actually, I only transferred here a few days ago. Where are you from? I live in Leuven. Ah, never heard of it. I moved here with my family because of my job. My previous one was quite a handful. I worked as a troop. Oops, sorry. I worked as a surgeon, you know. Look, that's me operating. This job is really different, but I get to meet a lot of astonishing people like you. Big enough about me. Tell me, why are you here today? I am here today to talk about my car insurance. Oh, okay, that's cool. You know what? My boss isn't looking at the moment, so let's play a little guessing game. I'm going to try to foretell how you like your coffee and if my guess is right. I'm kidding. Is that okay for you? Sure. Alright, let's start with a test. C'était l'intelligence artificielle très développée. Qu'est-ce que vous côtoyez tous les jours? C'est les bots, et notamment Facebook qui a investi son chatbot, où les marques vont pouvoir en effet dialoguer, et plutôt que d'avoir quelqu'un qui est derrière un clavier, c'est d'automatiser certaines réponses par rapport à des questions. Vous savez tous ce que sont les FAQ, les robots, les chatbots permettent d'avoir une relation beaucoup plus sympa et d'aller beaucoup plus loin dans les réponses. Donc, c'est une forme d'intelligence artificielle qui permet en fait aux marques d'agir un peu plus dans un langage humain. On dit que les bots sont le futur des banques, les banques qui ont des services de plus en plus online et qui vont commencer à pouvoir vous aider beaucoup mieux à travers un dialogue, en anticipant également certaines choses. Je vous passe les statistiques, c'est pas très très important. Ce qui est surtout intéressant, c'est quand vous allez faire des recherches, l'intelligence artificielle et les bots vont permettre d'amener du contenu de manière beaucoup plus riche que ce que font les search engines aujourd'hui. Alors ici, c'est un exemple. Ne regardez pas le design, mais regardez surtout l'intelligence qui est derrière. C'est-à-dire qu'on pose une question: quelle est la capitale de l'Australie? L'ordinateur interprète Australie, on me demande quelle est la capital city, et on me donne le résultat, c'est Canberra. Mais ça, normalement, dans la plupart des search engines, vous arrêtez là. Ici, le chatbot, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va anticiper les questions suivantes. Une fois que je sais quelle est la capitale de l'Australie, qu'est-ce que je vais pouvoir me poser comme question par rapport à cette capitale ou par rapport au pays? Et donc, il va me nourrir de... Eh bien, tiens, je vous dis déjà quelle est la population. Où est-ce que ça se trouve sur la carte du monde? Quelles sont les températures moyennes, où est la capitale administrative, quelle est l'heure actuelle, etc., etc., etc. Et donc, c'est aussi une nouvelle manière de nourrir les gens, plutôt que de continuer à poser des questions, y avoir une réponse et puis reposer une question, c'est essayer de faire le tour de la question et de mieux nous servir. Donc, là, l'intelligence artificielle sert déjà certaines marques, et on est en train d'implémenter ça dans un site, notamment pour une banque, par rapport à l'investissement. Donc les chatbots peuvent pas mal aider les entreprises avec une automatisation de l'information. On va terminer là-dessus. Chatbot pour les entreprises, essentiellement devenir un ambassadeur de la marque et servir d'assistant. Ça peut être un assistant par rapport aux questions, ça peut être un assistant par rapport à une prise de rendez-vous dans l'agenda, un assistant en ressources humaines. Problème de stock, comment est-ce qu'on va gérer ça? La personne qui doit s'excuser, c'est le chatbot. Gérer le planning pour la prise de rendez-vous. ambassadeur, comme on l'a vu, avec notamment Pepper. Alors, ça va en effet fondamentalement révolutionner la manière dont on va interagir. Je vais terminer sur cette touche-là, c'est que rien n'est encore fait. Il y a encore très peu d'entreprises qui développent ou qui travaillent avec des partenaires qui sont capables de développer soit des chatbots, soit de l'intelligence artificielle. Il y a quelques essais très expérimentaux encore, mais je pense que ça va nous permettre de faciliter ou d'améliorer la qualité de service. Et puis on peut se poser la question, là je sors de la communication, sur l'importance des androïdes et des robots munis de certaines facultés. Est-ce que finalement c'est pas plus mal que ça prenne la place de certains métiers ? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir encore énormément de gardes Securitas qui guettent la nuit et qui risquent leur peau, alors qu'on pourrait mettre des androïdes avec une capacité musculaire et de force beaucoup plus importante, avec beaucoup plus de trackers et de capacité à lutter contre soit le banditisme, soit les vols. Est-ce que cette intelligence artificielle-là ne va pas finalement remplacer un boulot qui permet aux gens de prendre moins de risques et de vivre plus sainement et plus sereinement. Et donc voilà, ça fait partie du débat que je laisse ouvert. Moi, je n'ai pas d'avis tranché. Je pense que l'intelligence artificielle peut apporter pas mal de bonnes choses. Elle peut être vue comme une menace. J'espère qu'au moins, j'ai pu vous ouvrir un peu les yeux sur là où on en est aujourd'hui. Et puis, ce sera à votre tour bientôt, quand vous serez sur le marché, faire évoluer les choses. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.